On va parler avec Léandre Bouchard, le cycliste du secteur d'Alma, qui a réussi un exploit quand même inusité, très intéressant au cours des derniers jours. Il a traversé le parc des Laurentides 207 km à pied. Il y en a qui l'ont fait en vélo cet été, on a fait quelques entrevues, mais à pied, c'est quand même très, très original. On lui passe. Salut Léandre. Bonjour. Léandre, d'abord, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Je cherchais un peu un défi. Il y a différents facteurs qui ont influencé rapidement. Ma blonde m'avait déjà dit qu'elle voulait faire le Pacific Crest Trail. Moi, j'étais un amateur de cyclotourisme, mais là, c'était plus ou moins possible de faire ce type de voyage-là à l'extérieur du pays. Et donc, je me suis rabattu sur quelque chose. À la maison et qui me permettait de le faire peu importe un peu les conditions. Puis je voulais de l'expérience en autonomie complète, là, donc ça m'a permis de réaliser ça. Comment t'as trouvé ça? Parce que j'ai fait des entrevues avec des gens cet été qui l'ont fait en vélo, il y en a d'autres qui l'ont fait en jogging, course à pied, mais toi, à pied, c'est quand même spécial, là. Ouais, ben je suis parti. J'étais peut-être un peu naïf parce que Ouais. même s'il avait fait plusieurs voyages à cyclotourisme, je me disais que c'était à peu près la même intensité, mais en marchant. Mais le stress mécanique qu'inflige la marche est beaucoup plus important. Surtout que j'ai moins d'entraînement pour ça. Donc mes muscles, des jambes étaient très fatigués à la fin de la journée, puis surtout mes pieds qui étaient très endoloris, enflés, puis j'ai eu des petits problèmes d'ampoule, mais j'ai réussi à rallier le fil d'arrivée. OK. As-tu trouvé ça plus dur qu'il faut? Oui, justement, Ce là, que tu pensais, pendant les j'imagine? premières journées, là, ouais, pendant les premières journées, là, j'avais beaucoup de pensées négatives qui provenaient de ma douleur, que je ressentais aux pieds, mais j'étais quand même content de vivre cette belle solitude-là au cœur de la forêt, au cœur du parc des Laurentides. Qu'est-ce que tu as trouvé dur? C'est les ampoules que j'ai eues au pied, surtout OK. une ampoule derrière le talon. Puis ça m'a forcé aussi à adopter une technique peu commune, là. À la cinquième journée de marche, j'ai choisi de prendre une babouche parce que comme ça permettait d'enlever la pression qui se faisait à l'arrière de mon pied ou au talon. OK, donc ça allait plus vite que ça allait plus vite, ça faisait plus mal que tu pensais. T'avais-tu de l'aide? T'avais-tu des gens qui te suivaient s'il arriverait de quoi? Comment ça. T'étais-tu surpris de tes arrières un peu? Oui, donc je voulais faire ça en autonomie complète. J'avais prévu tous mes repas, c'est moi qui transportais mes choses, mais j'avais quand même un système de communication Spot qui s'appelle donc un système de GPS. Puis j'étais capable OK. d'envoyer ma progression à des gens, puis dans le pire des cas, de demander service d'aide à mes contacts personnels ou même les services d'urgence. Fait que OK. même si j'avais pas de réseau cellulaire pour la grande majorité du temps, j'avais ceci qui était sécurisant. OK. Ayant plein mois de novembre, ça doit pas être chaud. Puis surtout que le soir, à 3 h 30, il fait noir. Pourquoi le mois de novembre Oui, d'ailleurs? Pourquoi t'as pas fait ça au mois de septembre? T'as pas fait ça au mois d'octobre? ben moi, étant un cycliste international, une bonne période pour moi, c'est justement l'automne puis l'hiver. OK. L'été ou l'automne très tôt, ben j'étais encore en compétition où je suis plus spécifique dans mon entraînement. Donc là, ça me permet, quand je recommence un peu mon cycle annuel d'entraînement, ça me permet de faire des choses un peu plus générales. Mais oui, le fait que c'était au mois de novembre, mais ça faisait que je devais me préparer pour des températures qui pouvaient être facilement en bas de zéro. D'ailleurs, j'ai fait des nuits en bas de zéro. Donc, j'avais un matelas de couchage qui était suffisamment chaud, plus de vêtements, donc ça implique plus de poids un peu à Ouais. transporter. Mais j'ai quand même été chanceux aussi parce que si on se rappelle la semaine passée, il a fait très chaud. Presque trop chaud justement parce que j'étais préparé pour plus difficile un peu. OK. Est-ce que c'est une expérience que tu referais? C'est pas une expérience que je refais. C'était comme un peu un défi. L'image un peu du parc des Laurentides, qui est comme un symbole dans la région que je souhaitais comme traverser. Ouais. Si je refais ce genre de projet-là, je vais le faire plus sur des sentiers PDS à proprement dit, quelque chose de plus ludique, un petit peu de plus pour les paysages. Tandis que là, c'était peut-être plus un défi de type sportif, là. OK, donc c'est plus intéressant comme ça. Puis tu me dis avant de rentrer en Londres que c'était dans le but, évidemment, de te préparer, parce que là, tu vas qualifier pour les Olympiques. Oui, ben moi, c'est une belle façon de faire de l'endurance. Puis aussi, j'adore beaucoup ce type de projet-là. Fait que j'aimerais ça refaire des projets en autonomie, mais en vélo. OK. Comment tu vois ça, là, les Olympiques, c'est dans quoi? On a dit juin, je pense, si je ne m'abuse, à Tokyo. Faut que tu passes par, évidemment, ça va avoir lieu quand, d'abord, les qualifications? Pour l'instant, le Cyclisme Canada est un petit peu vague là-dessus. OK. On sait que les Olympiques sont c'était l'été 2021, puis ils ont juste poussé d'un année les dates. Fait qu'on peut penser que les dates de sélection vont juste être aussi décalées d'un année. Les deux premières Coupes du monde de 2021 vont avoir une grande importance. Okay. Mais au-delà de ça, on n'a pas encore les critères ou quelque chose. Donc moi, je me concentre simplement à performer au meilleur de moi-même à ces deux courses-là. J'ai prouvé que j'étais le meilleur Canadien aux dernières Coupes du monde, aux derniers championnats du monde, avec une bonne marge, mais il prenait pas en compte ces courses-là. Donc il va rester à refaire du bon travail l'an prochain. OK. T'as-tu bon espoir de te qualifier? Oui, j'ai bon espoir. Ça fait de plusieurs années que je suis dans les meilleurs Canadiens ou le meilleur Canadien. Ouais. Donc, j'ai un adversaire de taille aussi, Peter Dicera, qui a connu une très belle saison l'an passé, en 2019. Mais j'espère que je vais continuer à progresser et que je puisse être le choix par excellence pour représenter le Canada au Jeux de Tokyo. Ben, Léon Bouchard, un gros merci, au plaisir de se parler. Merci beaucoup. Léon Bouchard, qui a fait un exploit hors de commun, 207 km à course à pied, ça s'est déroulé la semaine dernière.